toute votre radio sur les applis Android, iPhone. Radio Web Passion. Radio Web Passion. Bonsoir, vous êtes dans les coulisses de Bérénice sur Radio Web Passion, il est 19h. C'est une spéciale ce soir qui est enregistrée puisque je suis sur Paris et je suis venue à la rencontre de mon invité. Je souhaite la bienvenue au gérant de la société Musigami, Philippe Manivet. Bonsoir Philippe. Bonsoir Bérénice, bonsoir à tous les auditeurs. Alors comme je l'évoquais, je suis sur Paris et nous sommes dans une salle de réunion au MILA. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est le MILA, Philippe ? Alors le MILA, c'est une association à laquelle peuvent adhérer tous les acteurs de la musique et qui propose en fait à la fois des réunions pour discuter de sujets, mais aussi des locaux. Donc il y a des bureaux qui sont louables au moins ici. Et puis, il y a aussi des accords avec la ville de Paris. On est dans le 18e, ici, entre Métroport de Clignancourt et Jules Geoffrin. Et donc, il y a un accord avec la mairie qui permet qu'à chaque fois qu'une boutique ferme, une entreprise de musique puisse venir s'y installer à des tarifs défiant toute concurrence, il faut le dire. Ce qui est très agréable en termes de synergie, puisqu'on s'y croise tous et on arrive à se connaître davantage. Merci beaucoup. Alors, j'ai pas expliqué quel était le thème de ce soir, puisqu'on va parler de l'édition musicale. Donc, c'est un thème où on ne sait jamais trop où aller. C'est un petit peu un peu obscur parfois. Donc, j'ai trouvé très intéressant et je te remercie de d'avoir accepté cette invitation. Alors, le concept de l'émission est de rencontrer l'entourage, les personnes de l'ombre hein, qui se trouvent. Et donc, c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité t'inviter. Tout d'abord, moi, je voudrais connaître qui est l'homme. Donc, qui est Philippe Manivet dans la société Musigami, ce qui t'a amené de près ou de loin à travailler sur cette bien sûr activité. Et on va revenir à ta genèse et à ton histoire, bien sûr. Tu es de quelle origine déjà ? Alors, moi, je suis né à Marseille il y a 40 ans maintenant. Et puis, j'ai fait des études un petit peu comme tout le monde. En fait, je m'en sortais plutôt pas trop mal dans mes études. Donc, j'ai atterri en classe préparatoire de biologie quand j'avais 18 ans. Et j'ai laissé tomber ça au bout d'une année, en fait, assez rapidement, parce que la passion de la musique était arrivée. J'avais vu un concert de The Roots et j'ai pris une gifle monumentale. Et le lendemain, en fait, je me suis mis à rapper. Donc, mon histoire avec la musique commence là. Donc quand j'ai arrêté les études, en fait, c'était pas pour m'amuser, c'était vraiment pour réussir à faire quelque chose dans la musique. Et en fait, j'ai commencé à m'intéresser à pas mal de choses, notamment à la radio. J'avais l'habitude d'aller faire des freestyles dans les émissions radio marseillaises de rap de l'époque. Et puis en fait, je me suis dit, mais il faut que j'ai mon émission radio. Au moins, je peux freestyler tant que je veux et puis inviter du monde, etc. Donc j'ai animé à Radio Galère, puis à Radio Grenouille pendant 8 ans. Et puis ensuite, on faisait de la musique avec mon groupe, on avait besoin d'enregistrer. Donc j'ai passé un diplôme de technicien du son. Donc j'ai encore profité de mes facultés pour les études en sortant major de ma promotion. Et puis je suis arrivé dans un studio qui s'appelait Studio Impulsion, qui n'enregistrait que du rap, quasiment. J'ai notamment enregistré le premier morceau solo de Soprano. Et puis qu'il y avait un label aussi, ce studio qui s'appelle Lyrical Lab, qui développait des artistes comme Mino, RPZ, Ali Manstaff, donc qui était le groupe de l'époque de Prodige Namor. J'ai commencé à réussir à récupérer les clés pour enregistrer mon groupe le week-end. Puis à dire, ok, je vais vous aider au label. Donc j'ai commencé à passer à la promo, j'y ai fait signer mon groupe. Et puis j'ai récupéré le label en bout de course parce que, disons que économiquement, ce n'était pas super. Donc il n'y avait que les plus courageux qui sont restés sur l'action. J'ai sorti donc à cette époque-là un album avec mon groupe qui s'appelait Hip Hop Parallèle. Et puis on avait besoin de faire des concerts. Donc j'ai commencé à organiser des concerts, puis créer des festivals. Notamment un qui s'appelait Passe le Mic et qui était une espèce de réunion de la communauté hip-hop, un peu un point d'ancrage de tout ce qui se passait à ce moment-là et de comment on avait besoin de se structurer, qui était diffusé en direct sur Radio Grenouille, avec des artistes comme Flint, comme PHM, qui était champion du monde de beatbox à l'époque. Donc voilà, des trucs assez cool. Et puis je faisais de l'action culturelle aussi, en animant des ateliers d'écriture de chansons, des ateliers de MAO, des ateliers de communication pour les groupes. J'adorais toucher à tout déjà, en fait, c'était les prémices de l'édition. Et puis en gros, en 2008, la situation économique du label était assez catastrophique. Moi, j'ai dû m'auto-licencier. J'avais un emploi aidé à l'époque où j'étais payé un demi-SMIC. Je me suis dit, j'ai arrêté mes études pour faire de la musique. C'est mon métier maintenant, donc je vais monter sur Paris et je vais trouver un métier. Je suis arrivé, j'avais vraiment dans l'idée de ne pas faire de rap, parce que le rap pour moi c'était ma vie privée. J'avais pas envie d'avoir un patron qui me dise ça c'est super. Bon, après j'ai des goûts qui vont pas forcément avec le commerce en rap aussi, il faut dire. J'ai fait les premiers CV de ma vie, parce que j'avais toujours été pour bien me débrouiller, pour trouver du travail quand j'étais dans de l'alimentaire et puis dans la musique, en fait, j'avais jamais eu de CV à faire, c'était du travail de terrain. Et puis j'ai débarqué chez Onibi, qui est une société qui fait de l'édition sur une niche qui s'appelle la musique de relaxation. Donc, expérience des plus intéressantes, puisque je venais d'une musique qui avait un message et une personnalité forte en tant qu'artiste. Et là, j'arrivais dans une musique qui avait le message qu'on voulait lui donner et qui n'avait carrément pas d'artiste. Donc, un exercice marketing très, très intéressant. J'avais deux patrons à l'époque qui se sont disputés à mort. Et donc, je suis parti avec l'un des deux qui, à côté de cette boîte-là, gérait aussi des éditions internationales, notamment Carline Music, donc, qui représente les droits de James Brown, Aretha Franklin, The Kinks, Dolly Parton, pas mal de tubes des années 80, donc 250 000 œuvres en gros. On était deux dans la société, donc très bon apprentissage aussi, de savoir qu'est-ce qui se passe avec des droits, quand ça transite par la SACEM, comment on peut exploiter la musique, le travail sur la synchronisation, etc. Donc j'y suis resté 8 ans, jusqu'en 2016, où je commençais à être un peu frustré en fait. Bon, j'avais été papa de jumeaux 4 ans avant, donc encore une aventure exceptionnelle, évidemment. Je commençais à être frustré en fait de ne pas trop avoir la main sur les choses, de dire que ça c'était intéressant et qu'il fallait pousser dans le sens. Il n'y avait pas d'adrénaline de faire réussir quelque chose parce qu'on ne travaillait que sur du back catalogue avec la plupart du temps des auteurs assez géniaux mais souvent très morts. Donc du coup pas des relations humaines non plus exceptionnelles dans ce travail-là. Donc j'ai décidé de partir, j'ai pu avoir une rupture conventionnelle à l'époque, et puis de créer ma boîte, donc en 2016, Musigami, dans laquelle j'ai commencé en fait avec zéro œuvre, zéro artiste, zéro client, et à peine 20 000 euros pour tenir le temps de me faire un salaire et générer de la valeur. Voilà. Donc là aujourd'hui, ça fait 4 ans que cette aventure-là a commencé, et puis ça fait... un an et demi à peu près, que je me paye un salaire, donc pari réussi. Bravo. Merci. Alors moi, je t'ai rencontré sur un salon. Donc on va parler bien sûr de l'édition, l'édition musicale. On va faire déjà une pause et puis on va rentrer dans le vif du sujet, bien sûr. À moins que tu aies quelque chose d'autre à rajouter sur ton parcours personnel. Écoute, je crois qu'on va en parler en filigrane, donc on va continuer comme ça. Mais en tout cas, l'éducation, c'est un faux lapsus, puisque dans l'édition, il y a beaucoup d'éducation. Merci. Alors, tu as choisi, donc c'est toi qui as fait la playlist de l'émission. Tu as choisi Dina, c'est moi qui choisis. Tu peux nous parler de cet artiste et de ce titre éventuellement par la suite, au moins de nous parler de Dina. Alors déjà, pourquoi ce morceau et pourquoi un titre de ce projet-là? C'est parce que ce projet-là m'a appris beaucoup de choses sur mon métier. Je ne sais pas si on aura le temps de tout développer, mais en fait, ça a été vraiment le premier projet avec lequel j'ai compris des dimensions de mon métier en termes d'aide à la création qui sont très importantes. Donc Dina, en fait, c'est Mélodie Linhart. C'est une auteure avec laquelle je bosse depuis 2017. Qui faisait partie du groupe Homme, qui est un groupe vocal qui a eu une carrière assez hallucinante en fait à l'international, qui font de la pop en fait, mais qu'avec des voix sans instruments, et que j'avais vu sur scène en 2012 en fait, et ça a été un coup de foudre mais incroyable. Et en fait, ça a été les premiers auteurs que j'ai signés sans les connaître sur la boîte. Ça a été une rencontre assez impressionnante pour moi parce qu'ils étaient 6. Donc moi, y aller tout seul avec mes petits bras et ma petite boîte qui vient à peine de naître et essayer de convaincre 6 personnes, c'est un bon souvenir. Et puis ça a été assez fusionnel dès le début, quoi. Et puis donc Mélodie, on sentait déjà quelque chose d'assez particulier chez elle. Et puis au fil du temps, en fait, je l'ai vu faire d'autres projets dans des genres totalement différents avec un talent assez incroyable. Et en fait, j'ai eu dans le parcours l'envie de l'orienter vers faire d'autres choses, notamment écrire en français et puis être dans une musique aussi un peu plus pop. Et en fait, ce projet-là, il est né des échanges qu'on a eus tous les deux et de son envie après et de son épanouissement à l'intérieur de ces idées-là. Donc voilà pourquoi ce morceau. Donc c'est un premier EP qui vient de sortir au mois de novembre 2020, en plein confinement, plein deuxième confinement, et qui devait déjà avoir une vie sur scène qui a été un petit peu retardée, mais qui est un projet magnifique et avec une personne qui est admirable et que je pense que les gens découvriront au fil du temps. Il y a beaucoup de nouveautés encore pour elle qui se préparent pour 2021. Eh bien, on a hâte de découvrir tout de suite Dina. C'est moi qui choisis. À tout de suite. Laisse-moi parler, je n'ai pas fini. Encore plein de choses à dire. Je prends la place, ici je ne passe pas, je reste. Femme, petite fille, je suis dame, héroïne, pas si fragile. Je peux changer de costume, augmenter le volume. C'est moi qui choisis. Ouais. Avec qui je danse, avec qui je tremble, si c'est aujourd'hui. C'est moi qui choisis ce que je pense. J'inverse la tendance, ce que je crie. C'est moi qui choisis. Dans les coulisses de Bérénice. Mon invité, c'est Philippe Manivet de la société Musique Ami, donc qui est éditeur musical. Nous allons aborder tout de suite le sujet après Dina. Donc en deuxième partie, dis-moi ce que c'est qu'un éditeur. Alors un éditeur, en fait, c'est quelqu'un qui va travailler avec des auteurs et des compositeurs, qui va avoir pour mission de les aider à faire un maximum de créations, et les meilleurs possibles et les plus adaptés avec le marché. Ensuite, qui va avoir pour mission d'exploiter les œuvres, c'est-à-dire de leur faire générer des droits. En fait, bon, avant de les exploiter, on va commencer par les publier. Publier, c'est-à-dire les mettre sur le marché, les mettre à la disposition des gens. Ça, c'est l'obligation de résultat de l'éditeur. C'est qu'une œuvre a pour obligation d'être publiée à partir du moment qu'elle est éditée. Pourquoi ? Parce que sinon, il n'y a pas de droit d'auteur généré, ni pour l'éditeur, ni pour les auteurs-compositeurs. Et l'éditeur, en fait, ne se rémunère que sur ça, que sur les droits d'auteur. Et puis après, donc, il doit exploiter les œuvres au maximum, donc leur trouver des débouchés nouveaux. Et il doit aussi s'assurer que tous les droits qui ont été générés arrivent dans les bonnes poches. Donc là, il y a également un gros travail administratif. C'est un métier en fait qui est méconnu. Tout à l'heure, bon, tu disais ça. En fait, il y a de bonnes raisons pour qu'il soit méconnu. C'est déjà en France, on est dans une culture de l'artiste. En fait, derrière une chanson, tu as toujours plein d'acteurs qui ne sont pas du tout cités. Les auteurs et les compositeurs ne sont pas forcément les artistes qui vont porter la chanson sur scène. De la même manière, l'éditeur musical n'est pas forcément le label. Donc c'est une marque en fait qui va être un peu sous-cotée. En fait, pourquoi ? C'est parce qu'on travaille dans ce qu'on appelle le B2B, c'est-à-dire qu'avec des entreprises, on n'a pas d'accès direct au public. C'est pour ça que c'est pas très visible. Mais voilà, et après, il y a aussi le fait qui est parfois un peu difficile à lire, c'est qu'il y a beaucoup de monde, beaucoup d'acteurs de la musique qui font de l'édition, mais pas toujours de la même manière. Et comme ils mélangent plusieurs casquettes, à chaque fois qu'ils parlent de ce métier-là, on n'arrive pas à cerner les différences entre les différentes casquettes et quel est le cœur de ce métier-là. Mais le cœur de ce métier, en fait, c'est la création, c'est réussir à créer des œuvres. Et puis après, c'est créer de la valeur. Créer de la valeur avec ses œuvres pour les auteurs, pour les compositeurs et pour les éditeurs. Très bien. De quelles notions as-tu besoin pour faire cette activité ? Donc, on parlait de juridique tout à l'heure. Qu'est-ce qui est pour toi indispensable pour démarrer une activité d'éditeur ? Alors, la première qualité, en fait, c'est l'imagination. C'est qu'on part toujours d'une page blanche. C'est-à-dire que quand on a du talent face à nous, et c'est la première chose qu'on va chercher, c'est du talent, on n'a pas forcément le répertoire qui va avec et on n'a pas encore forcément le chemin qu'on va tracer pour cet auteur et pour ce répertoire-là. Donc il faut de l'imagination. En permanence, en fait, on se renouvelle dans la manière d'aller travailler. Après, effectivement, tu vas avoir besoin de notions juridiques, mais en fait, qui sont des notions de terrain. Je dirais, moi, je n'ai pas fait d'école de droit. J'ai appris tout ça par rapport au terrain. Les notions, en fait, dans la pratique, se comprennent. Se comprennent au fur et à mesure des cas, et puis on continue d'en apprendre tous les jours. C'est un métier dans lequel tu as toujours des nouveaux cas. Tu n'as jamais fait le tour de la question au niveau des questions juridiques que tu te poses, etc. Quoi. Donc il y a ça, il y a aussi un aspect organisationnel qui est très important, parce qu'en fait tu vis en te rajoutant des obligations. C'est-à-dire que quand tu signes une œuvre en édition, tu as l'obligation de l'exploiter de manière permanente et suivie. Ben, ça veut dire qu'il faut toujours réussir à lui donner une vie. Ce n'est pas une fois qu'il y a eu la période d'actualité qui est passée, comme tu peux avoir dans une production phonographique, par exemple. Après, ça s'arrête. Non, en fait, dans l'édition, tout le long de la vie de l'œuvre, tu vas devoir travailler dessus. Et cette période peut être très longue, puisque la durée de protection légale des œuvres, c'est la vie du dernier des vivants des compositeurs, plus 70 ans. Donc au fur et à mesure du temps, tu as de plus en plus d'œuvres, donc de plus en plus de travail. Et c'est en ça que ça demande de l'organisation. En fait, quand tu es un jeune éditeur et que tu commences à travailler, tu as des crises de croissance régulières qui t'appellent à te réorganiser de manière à réussir à tenir une relation humaine avec tes auteurs et tes compositeurs, ce qui est la base de tout, et de répondre à leurs besoins et de réussir à... ouvrir des nouveaux champs d'exploitation. Par exemple, la synchronisation, qui est le fait de placer une musique dans un film ou sur une publicité. Forcément, il y a toujours des réseaux à créer supplémentaires. Une remise en abîme des œuvres, tu vois, quand tu vas présenter des œuvres sur un thème, il va falloir que tu penses à la fois à ton back catalogue et au nouveau et à mettre... des choses en avant différentes tout le temps. Quoi. Donc ça, l'organisation, c'est, C'est très important. Quoi comme autre qualité encore, la persévérance, parce que c'est pareil, c'est que quand une œuvre débute sa vie, il est très rare qu'elle ait un montant de droits qui est sûr. Donc il va falloir aller se battre pour que les gens écoutent la musique, pour qu'ils leur donnent une chance d'avoir une exposition. Et ça, c'est un travail au long cours. Donc c'est revenir sans cesse vers les gens. De la même manière, moi, j'encourage mes auteurs à me livrer des œuvres toute l'année. Ceux qui sont encore sur des vieux formats à bosser sur un album et puis plus rien pendant 2 ans, moi, ça me pose un problème pour alimenter tous ces utilisateurs de musique. Pourquoi ? Parce que je vais leur présenter un album, je vais dire, ce groupe-là, c'est génial, faut que tu écoutes. Mais si pendant 2 ans, j'ai plus rien, quelle occasion je vais pouvoir prendre pour leur reparler de ce groupe et de ces auteurs-là ? Genre, beaucoup de mal, il va se dire, tiens, mais il se répète, Philippe, je vais arrêter de lire ses mails. Donc non, en fait, que si j'arrive à leur disséminer petit à petit avec le temps du travail de ces auteurs et ces compositeurs, j'aurai plein de fenêtres de tir pour me rappeler à leurs bons souvenirs et pour réussir. La prochaine fois, tu vois, par exemple, j'ai Téménique Électrique, c'est un groupe de rock qui chante en langue arabe. S'ils me livrent un album et puis plus rien pendant 2 ans, je ne vais pas faire de la redondance, quoi. Par contre, là, en ce moment, j'ai plein de nouvelles œuvres qui arrivent. Il y a un troisième album qui est à l'horizon. Là, j'ai le temps de disséminer les morceaux un à un et de reparler du groupe plusieurs fois, mais sous un angle différent, l'angle du morceau. Je vais plutôt parler du morceau plutôt que du groupe. Qui sont tes clients, exactement ? On a parlé de synchro tout à l'heure, mais on peut pas s'en nommer les structures, mais à qui tu t'adresses en fait ? Qui sont tes clients ? Alors, c'est assez vaste, ça va être tous les utilisateurs de musique. Pourquoi ? Parce qu'en fait, donc, comme je te disais, un éditeur ne gagne de l'argent qu'à partir du moment où il y a une reproduction des œuvres. Donc par exemple, un label peut être un client, dans le sens où je vais leur proposer des œuvres. Soit ils ont un chanteur qui charge des chansons, je leur proposais simplement les œuvres. Soit c'est l'auteur avec lequel je travaille qui chante les chansons et qui a besoin d'un label discographique. Dans ce cas-là, je vais aller leur présenter l'artiste et son répertoire. Donc le label peut être un client. Des sociétés audiovisuelles qui font de la production ou des agences de publicité peuvent être des clients. Un music supervisor, c'est quelqu'un qui va être embauché par une production de film et lui déléguer la tâche de choisir la musique, négocier les droits et obtenir les accords avec les ayants droit. Une boutique de partitions en ligne peut être un client. Un sonorisateur de magasin peut être un client. Par exemple, tu vas prendre Le Roi Merlin, pas trop citer de marque. On va le faire. Si en fait tu es chez Leroy Merlin et qu'ils diffusent chez eux la radio, il y a des chances qu'il y ait une publicité pour Bricorama et que la personne qui est dans les rayons se dise mais chez Bricorama ils sont moins chers et puis qu'ils sortent du magasin en courant et puis qu'il est chez Bricorama. Donc les radios de magasin en fait servent à ça. C'est-à-dire, il y a des entreprises spécialisées, on peut citer Mood Media, Midiscom, Goom Radio ou bien d'autres. En fait, ils ont délégation pour faire une programmation musicale pour ces entreprises de manière à ce que la musique corresponde à leur clientèle. Quel âge a-t-elle ? Est-ce que ce sont principalement des hommes ou des femmes ? Etc. Ça va correspondre au moment de la journée. On n'a pas envie d'être agressé le matin quand on arrive et puis il n'y a pas beaucoup de monde dans les rayons, donc il faut que la musique aille doucement. Et puis par contre, en fin de journée, avant qu'on ferme, il faut que les gens aillent vite à la caisse, donc on accélère la musique. Et puis dedans, ça permet d'avoir des publicités uniquement pour les opérations du magasin. Genre, il y a une promotion ce mois-ci sur les trucs comme ça. Donc voilà, ces gens-là, ce sont des clients importants aussi. Parce qu'en fait, notre musique peut circuler là-bas, ça génère des droits d'auteur qui sont non négligeables. Bon, on a été, par le Covid aussi, atteint là-dessus, puisque les magasins ont fermé. Ça peut être des producteurs de jeux vidéo. En fait, voilà, et ça peut être même des festivals ou des tourneurs, dans le sens où à chaque fois qu'il y a une exploitation en concert, on touche aussi des droits d'auteur. Donc voilà, c'est tous les gens qui utilisent de la musique. En fait, ça n'a pas de limite. Moi, je te parlais de cette expérience dans la musique de relaxation. Bah, à l'époque, j'avais des clients, c'était des spas qui me demandaient de faire pour eux la radio de magasin, c'est-à-dire qu'ils faisaient des programmations entières pour leur programme de massage, etc. Et puis après, parfois, on faisait faire des CD pour eux, où ils avaient ça dans des bases de données, etc., etc. Alors, on va se faire une deuxième pause, puisqu'après, on va continuer à parler d'édition, hein, de toute façon, mais on va parler de ta façon aussi de travailler, ton organisation personnelle par rapport à ton travail. Tu m'as choisi, en fait, un deuxième titre. C'est Alice Animal, c'est ça ? Tes éléphants. Tes éléphants roses. Rose, attention, ouais. Hein, j'ai oublié Rose. Alors, pourquoi tu m'as choisi ce titre et cet artiste Alice Animal ? Alors, déjà, ce titre-là fait partie d'un album qui va sortir au mois de mai, à l'époque où sera diffusée cette interview. C'est un peu une consécration aussi d'arriver à cette sortie. Alice, moi, je l'ai rencontrée... Il y a 3 ans maintenant, et puis c'est une personnalité vraiment incroyable, quoi. On a mis longtemps à se renifler un peu, tu vois. Moi, c'est toujours pareil, en fait. Moi, j'adore connaître les gens avec lesquels je travaille et je prends beaucoup de temps pour qu'ils comprennent ce que je vais faire pour eux et ce que je vais essayer de faire pour eux et pour que je comprenne où ils ont envie d'aller aussi. Et tu vois, Alice, à l'époque où on s'est rencontrés, elle avait un album qui était prêt à sortir. Et puis, 2 semaines après qu'on se soit tapé dans la main à dire « Allez, on bosse ensemble », en fait, elle me dit « Cet album-là, je ne le sors pas. C'est pas encore ce que je veux faire. » Et du coup, en fait, on s'est relancé dans un chantier. Je lui dis « En fait, c'est parce que tu n'es pas allé encore assez loin dans la créa. » Et puis, elle s'est engouffrée là-dedans et puis elle a fait un travail assez extraordinaire. C'est une porteuse de projet très forte. C'est important, en fait, de bosser avec des gens qui sont leurs propres chefs. Tu vois, c'est ça aussi une des particularités de l'édition, c'est qu'on n'a pas de rapport salarié-employeur avec les auteurs. De la même manière qu'un label, en fait, est toujours l'employeur d'un artiste, ou un tourneur de la même manière, ou un manager est l'employé d'un artiste. En fait, avec les éditeurs et les auteurs, c'est des vrais partenaires. Il n'y a pas de relation de travail entre eux, quoi. Donc, on a besoin que ce soit des vrais chefs de projet parce que c'est eux qui montrent la direction. Et donc, moi, j'ai beau leur donner des conseils, leur dire « ça, je pense qu'il faut plutôt le faire comme ça » ou en fait, quand on n'est pas d'accord, je leur dis toujours « c'est toi le chef, quoi ». Et voilà. Donc, j'aurais pas d'œuvre à éditer sans auteur. Et ça, c'est quelque chose qui est important. En fait, c'est une modestie qu'il faut garder dans ce métier-là. C'est que sans auteur, nous n'existons pas et nous n'avons pas de travail à faire. Voilà. Et donc, Alice, c'est une de ces belles relations. Et c'est une artiste qui est vraiment à découvrir, qui a réussi à mélanger à la fois sa culture chanson française et sa culture très rock. Et qui nous offre un truc qui mérite d'être découvert. À tout de suite pour la troisième partie, donc avec après Alice Animal. À tout de suite. Laisse-moi descendre de ce podium, de cette estrade, ce piédestal. Laisse-moi me prendre pour ce que je suis, pas une déesse ni une vestale. Moi je ne suis qu'une amoureuse qui fait des rêves un peu banals. Moi je suis juste une fille normale qui veut simplement être heureuse. Tu m'aimes trop. Je suis pas ton héroïne. Je ne suis pas ta seringue. Ton opium, ta dose. Tu m'aimes trop. Je suis pas ta mescaline. Je ne te suis pas dans la tête. Labrador. Laisse-moi me pendre, chambre à ton cou, ma langue au contour de ton corps. Tu dis que tu m'aimes tellement, j'ai l'impression d'être plusieurs. C'est trop pour moi, ce sentiment, je n'ai qu'une peau, je n'ai qu'un cœur. Tu m'aimes trop, je suis pas ton héroïne, je ne suis pas ta seringue. Je ne te suis pas dans la déclin. Tes éléphants roses. Je les vois aussi. Tes éléphants roses. De mon côté de la nuit. Je les vois et je passe à autre chose. Je veux pas d'un amour qui détruit. Alors, vous êtes à nouveau dans les coulisses de Bérénice. Mon invité, c'est de la société Musigami, donc Philippe Manivet. Et vous venez d'écouter Alice Animal, Tes éléphants roses. Tes éléphants roses. Alors, on parle à nouveau de l'éducation, mais je vais y arriver, l'édition musicale. Et je voulais savoir, Philippe, de quoi est constitué ton catalogue aujourd'hui ? Est-ce qu'on parle artiste ? Est-ce qu'on parle d'œuvre ? Dis-moi. Alors, quand on parle d'un catalogue, on va parler plutôt d'œuvres. Là, aujourd'hui, je dois avoir entre 400 et 500 œuvres. Bon, 4 ans, c'est plutôt une bonne vitesse. Mais après, on parle et surtout d'auteurs, en fait, qui n'appartiennent pas au catalogue, entre guillemets, mais c'est eux qui constituent le catalogue. Moi, j'aime bien travailler avec des gens sur le long terme. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on n'est pas certain de réussir à avoir des résultats à chaque œuvre qu'on sort. Donc forcément, réussir à progresser avec eux et se dire que chaque nouvelle œuvre qui rentre dans le répertoire est une étape, ça permet d'aller voir plus loin. En gros, il y a une vingtaine d'auteurs-compositeurs avec lesquels je travaille régulièrement. Le nombre a tendance à s'accroître pas mal ces derniers temps. Pourquoi ? Parce que, en fait, moi, si tu veux, j'ai une activité. Mon but avec eux, c'est de réussir à diversifier leur répertoire. C'est-à-dire qu'ils ne soient pas juste en train d'écrire des chansons pour eux-mêmes. On sait comme c'est dur de développer un projet et d'atteindre le succès avec, et encore quand on parle de succès, peut-être juste déjà de vivre avec cette musique-là. Donc en fait, voilà, mon pari, si tu veux, c'est d'utiliser toutes leurs capacités et qu'ils aient plein d'autres chances de faire vivre leur travail au travers d'autres artistes. Et en fait, ça crée des micro-victoires, quoi, parce que c'est toujours pareil, quand tu sors un album ou que tu as ton projet à toi, tu es super ambitieux, et puis bah, bien souvent, les résultats ils sont moindres que ce que tu espérais. Et là, en fait, on arrive du coup à avoir des victoires, des choses un peu inattendues et nouvelles et excitantes qui se passent tout au long de notre collaboration et qui encouragent en fait cette collaboration, qui montrent aussi les perspectives qu'on a. Tu vois, par exemple, il y a quelques semaines, j'ai la première chanson qui est sortie de mon catalogue, chantée en polonais. Et comment c'est arrivé? En fait, c'est parce que je suis allé rencontrer des pros polonais. Je leur ai dit, bon, ben voilà, j'ai besoin de créer de la valeur sur votre territoire. Moi, j'ai des gens qui savent composer des musiques dans tel genre, etc. Dès que vous avez quelqu'un qui passe sur Paris, tenez-moi au courant, je réserve un studio et on va avoir un moment pour avoir notre chance pour créer une œuvre et réussir à la faire exister, quoi. Et c'est ce qui s'est passé en fait. Donc il y a Martina M, donc, qui est cette artiste polonaise qui s'est installée à Paris pour depuis quelques temps et qui du coup a pu faire ce titre qui s'appelle Paris avec Nicolas Guéguen, donc, qui est un des compositeurs avec lesquels je travaille. Quel était le début de la question en fait? Je parlais de catalogue d'artistes, tu m'as dit plutôt d'œuvres. Ouais. Et voilà, en fait, si tu veux, l'idée, c'est de réussir vraiment à repousser nos limites. Par exemple, j'ai aussi une dizaine de chansons qui est sortie au Canada, sans avoir jamais signé avec aucun auteur canadien. C'est juste parce qu'on crée des rencontres à chaque fois. Par exemple, il y a Laurent Bourque. Laurent Bourque est un artiste canadien anglophone qui a sorti un album l'année dernière. Et qu'on a réussi à placer sur une série Netflix aussi. Donc ça, c'est pareil, c'est une collaboration avec le même Nicolas Guéguen, qui est un de mes producteurs, ce qu'on appelle des producteurs phares. Producteur, c'est quoi? C'est un compositeur, en fait, qui va aussi avoir toute la science pour choisir les bons sons et réussir à mettre une esthétique qui va coller exactement avec ce que va chercher l'artiste. Dina, je l'ai fait écrire pour d'autres aussi, par exemple. Elle a écrit pour Davine, qui est une artiste néerlandaise qui chante en français, bizarrement, tu vois. Et c'est rigolo parce qu'en fait, ce morceau-là, donc, qui s'appelle Tic Tac, Mélodie l'a écrit en Angleterre avec un Suédois et un Hollandais. C'était son premier camp d'écriture à l'étranger. Et en fait, c'est ce camp d'écriture qui a un peu créé l'idée de faire Dina après, quoi. Et ce premier morceau qu'elle a écrit en français dans ce camp d'écriture-là, ben, il a fini chez une artiste néerlandaise et qui est passé en radio nationale aux Pays-Bas, etc. Quoi. Donc voilà, il n'y a jamais de limite. Quoi. Et en fait, c'est comme ça que j'aime bosser avec mes auteurs. J'ai besoin qu'ils aient des compétences un peu multiples, mais à la fois bien définies. Tu vois, il y en a qui sont beaucoup, qui se considèrent auteurs, compositeurs, interprètes au départ, mais qui n'écrivent pas si bien que ça. Donc après, c'est pareil, je les fais collaborer avec des gens. En fait, il faut qu'ils arrivent à comprendre leurs forces et leurs faiblesses aussi. Et le fait de les faire collaborer avec plein d'autres personnes, ça leur permet de voir d'autres manières de faire, donc de progresser artistiquement, d'avoir des supporters derrière leur projet aussi. Tu vois, c'est pareil, des fois, on a fait des chansons qui parfois ne sont jamais sorties, mais avec des gens qui ont écrit pour Mylène Farmer, pour Céline Dion, pour Eminem. Tu vois, au départ, tu te dis, waouh, c'est des mecs inaccessibles. Mais en fait, comme on est dans le monde de la création, c'est quoi la création? C'est passer du temps. Donc quand il y a un Canadien qui est à Paris pour une journée, lui, faire de la musique, c'est ce qu'il a envie de faire. Donc même si c'est pour travailler avec des personnes de plus petite envergure, en fait, lui, il donne son temps. Et puis après, il se dit, ben, c'est son éditeur qui va faire en sorte que la chanson devienne quelque chose, quoi. Donc ça ouvre vraiment des portes qui sont super intéressantes, en fait. Mais voilà, donc moi, c'est comme ça que j'aime travailler avec mes auteurs-compositeurs. Comment je les recrute? En fait, donc, les tout premiers, c'était des connaissances depuis 10 ans. On peut citer Téminique Électrique. Donc c'est Mehdi Adjeri qui est le principal auteur et compositeur de ce groupe-là. C'est le groupe que j'ai le plus vu en concert de toute ma vie, quoi. Ils jouaient régulièrement sur Paris, etc. À chaque fois qu'ils sont venus, je les ai vus en concert. J'ai dû les voir 20 fois. Le jour où j'ai monté ma boîte, ils cherchaient des partenaires pour s'agrandir. Il y a une confiance réciproque. Ça a facilité les choses. Magja, c'est pareil. Donc Magja, c'est un auteur qui fait de la chanson française, on dira plutôt engagée. que j'avais connu à l'époque où il faisait du hip-hop et moi aussi. En fait, il avait fait venir mon groupe chez lui à Bordeaux faire des ateliers d'écriture. Et on avait fait une première partie du Saiyan ensemble aussi. C'était marrant. Et donc, quand j'ai monté ma boîte en 2016, lui était dans ce projet chanson qu'il lançait. Et voilà, tu vois, la confiance s'est installée tout de suite. Et après, donc, il y a eu d'autres cas. Il y a eu des cas de coup de cœur artistique. Ça peut être le cas de Homme, donc, où il y avait tous ces membres-là, dont aujourd'hui sort Dina, notamment. Mais il y a aussi, on peut citer Marion Cassel ou Marion Iatoni, qui ont des projets à côté avec lesquels on travaille aussi. Et après, en fait, il y a eu plus du besoin, parfois. C'est par exemple le cas de John Linhart. Alors John Linhart, en fait, c'est le frère de Melody Linhart, donc Dina. Et un jour, ils font un morceau ensemble. Melody m'avait déjà parlé plusieurs fois de son frère qui faisait de la musique électro et qui était super doué, mais qui n'était pas entouré. Et puis, puisqu'un jour, elle fait un morceau avec lui et que je suis en contrat de préférence avec Melody, le contrat de préférence, en fait, ça veut dire que sur une période donnée, Melody va me présenter toutes ses œuvres et j'aurai le premier choix. En fait, c'est soit je décide de l'éditer, soit je décide que non, et là, elle pourra la proposer à quelqu'un. Mais à partir du moment où je décide de l'éditer, elle n'a pas le choix puisque ce contrat me permet d'avoir un droit de première option. Donc, elle me présente cette œuvre-là, donc avec son frère. Elle dit, il chante super bien, super mélodie. Et puis, en fait, à ce moment-là, j'arrêtais pas de recevoir un petit peu des demandes sur de l'électro où il manquait des chanteurs. Et je regardais dans mon répertoire et je me disais, qui peut faire ça? Personne, en fait. Et puis, John arrive à ce moment-là, quoi. Et du coup, ben, on discute davantage. Quoi. Je dis, voilà, comment je travaille, etc. Ça te dirait que je t'envoie sur d'autres œuvres? Ben ouais, carrément, quoi. Et puis, en fait, on a commencé à le faire collaborer avec plein de monde. On a eu des sorties sur des labels. Ça allait assez vite, en fait. C'est peut-être la collaboration qui allait le plus vite parce que il s'est montré travailleur, acharné, déterminé, talentueux. Et en fait, il avait faim, quoi. Et en fait, au plus je lui donnais des opportunités, au plus il en demandait, quoi. Et là, c'est comme ça qu'on va arriver à sortir son premier album au mois de mai, au bout d'un an et demi de collaboration, mais qui a été d'une richesse extraordinaire, quoi. Et puis voilà, lui aussi est ravi, il me dit qu'il n'a jamais fait autant de musique de sa vie, et c'est vrai, quoi. Il a dû me pondre peut-être une quarantaine de morceaux en un peu plus d'une année, quoi. Donc voilà, donc c'est ça, c'est j'ai besoin aujourd'hui, j'ai une équipe, en fait j'adore les faire travailler ensemble aussi, qui se connaissent, pour que je sache qui peut faire équipe, qui se complète bien pour tel genre de choses. Quand je vais recevoir un artiste qui va avoir besoin de co-auteur pour les chansons, je préfère l'envoyer dans une équipe qui est déjà installée, qui se connaît, pour qu'il y ait un service client, entre guillemets. On parlait de client, mais un artiste, ça peut être aussi un client. Donc là, voilà, on est un peu dans un cercle familial où tout le monde se soutient aussi, où les gens ne sentent pas une concurrence entre eux et qui est super saine. Et au-delà de ces choses qui aujourd'hui, en fait, me guident, c'est qui est complémentaire avec ce que j'ai déjà, qui m'offre de nouvelles opportunités. J'ai parlé de John, mais j'ai eu le même cas avec Joanne Alasta, donc qui est une produceuse et top-lineuse. Les top-liners, en fait, ce sont des chanteurs mélodistes, donc c'est eux qui vont travailler sur les mélodies voix. Donc Joanne, pareil, elle est dans l'électro. On avait déjà commencé à échanger il y a un an, c'était en 2019. Et puis, à la fois, elle avait un besoin de trouver des collaborateurs, et moi, j'avais donc ce besoin de chanteur électro qui était là de plus en plus présent. Et puis, on a réussi comme ça à commencer le début de cette aventure aussi qui est merveilleuse, quoi. On ne s'est jamais rencontrés encore avec Joanne. On a fait des zooms, on s'est eu au téléphone des tas de fois, mais elle habite en Corse. Je vais dire un secret, c'est qu'elle a peur de l'avion aussi, donc elle ne se déplace pas beaucoup sur le continent. Mais voilà, quoi, c'est, même sans se rencontrer, on a réussi à créer une relation humaine qui est géniale, quoi. Donc voilà, après, globalement, j'ai trois critères principaux, mis à part ces choses-là de complémentarité d'équipe, Première chose, c'est d'aimer la musique que va me proposer l'auteur. D'ailleurs, je demande toujours qu'on me présente deux chansons au début, jamais plus. Pourquoi ? Parce qu'en fait, moi, j'aime bien faire des retours. J'ai été à la place de l'artiste qui attend un retour du professionnel qui n'a jamais. Moi, j'aime faire des retours parce que je sais dans quel état d'angoisse ils peuvent être ou d'attente. Par contre, comme on voit 10 chansons, comme j'aime faire des retours, j'ai énormément de mal à me mobiliser pour faire un retour sur 10 chansons et ça peut traîner des semaines et voire finir dans une corbeille. Donc, deux chansons et aussi parce que ça les pousse à faire des choix. Et être un artiste, en fait, c'est savoir faire des choix. Donc, se présenter en deux chansons, c'est important. Donc, aimer leur musique, se dire qu'elle a quelque chose à faire sur le marché. Ce qui n'est pas toujours évident d'entrée, mais bon, c'est après, c'est de la manière dont ça nous parle et où on peut les voir évoluer. Et la troisième, après, que ce soit des bons humains, en fait, avec bien dans leur basket, qui n'ont pas des attentes démesurées. Et ouais, ou le melon, ouais, pourquoi pas, quoi. Mais franchement, j'ai de la chance, j'ai jamais rencontré des gens qui sont complètement hors sol, quoi. Après, en général, je travaille avec des gens qui sont, on dirait, assez vieux pour l'univers de la musique, qui peuvent avoir tendance au jeunisme. Je travaille en général avec des gens qui ont entre 30 et 40 ans. Je commence à peine à travailler avec quelques-uns qui sont plus jeunes, mais voilà, avec qui on se connaît déjà, parce qu'ils étaient dans l'entourage de certains autres avec qui je travaille, et on a pris le temps de se connaître. Mais voilà, ça, c'est les trois règles d'or, et ça peut être assez long en termes d'expérience humaine avant que ça colle vraiment, quoi. Très important, en effet. Alors, pour faire tout ça, quelle est ta team à toi en tant qu'éditeur? Alors, je connais la réponse, mais je voudrais que tu en parles. Et pourquoi, d'ailleurs? Pourquoi vous êtes un certain nombre et pas plus, ouais, ou pas moins? Bah, c'est me, myself and I, comme on dit. Non, mais pourquoi? En fait, faut savoir que le métier d'édition, il est très intuito personnel, comme on dit. Il est très habité par la personne qui gère l'entreprise. C'est une vision du métier, une façon de voir les choses et puis une relation humaine. Donc forcément, c'est déjà important de poser un peu sa marque de fabrique plutôt que de la diluer. Tu vois, il y a des super directeurs artistiques dans des plus grandes maisons. Quel est le temps où ils vont rester dans la société, ça pose toujours un problème. Donc, c'est vraiment par le patron de la société que l'image va arriver. Après, il y a évidemment une échelle économique là-dedans. C'est que moi, j'ai monté ma société il y a 4 ans. Et puis, il fallait déjà que j'arrive à me générer un salaire pour moi-même, qui n'est pas extraordinaire. Maintenant, ça y est, je me paye 1500 balles par mois. C'est cool. Mais tu vois, l'année dernière, c'était 1200, et puis les années d'avant, c'était zéro. Donc voilà, il fallait arriver déjà à générer suffisamment de chiffre d'affaires pour ne pas être en danger chaque mois en se payant le salaire. Et puis après, il faut aussi construire, apprendre à déléguer. Tu vois, je veux dire, de toute façon, tu prends dans beaucoup d'entreprises, le management d'équipe n'est pas quelque chose d'inné, quoi. Il faut s'y préparer. Donc là, moi, je vais recevoir ma première stagiaire la semaine prochaine. Je suis ravi d'accueillir quelqu'un qui est passionné et qui, à mon avis, pourra m'apporter beaucoup de choses par son temps, par son travail, mais aussi par le fait que ça va me pousser à définir des process et d'arrêter qu'il y ait tout dans ma tête, quoi. C'est qu'à un moment donné, t'en gères tellement que pour toi, c'est presque facile, même si tu n'as que des journées de 24 ans. Il faut savoir que je suis boulimique de travail, mais parce que j'adore ça. Je travaille les week-ends, je travaille sur des horaires extensibles, et encore maintenant, je me limite. Mais il y avait une période où je me levais à 4h30 du matin pour lancer mes journées. Pourquoi ? Parce que j'avais besoin de grandir. Et grandir, c'était aller faire du réseau. Et pour aller faire du réseau, il fallait quand même que je fasse tout mon travail administratif de bureau. Et les moments dans la journée ne s'inventaient pas. Donc je me menais une vie un petit peu impossible. Alors justement, j'ai une question par rapport au réseau. Ouais. Est-ce que toi, tu avais déjà ton réseau déjà depuis 2008? Enfin, c'était pas le même réseau parce que c'était pas le même style. L'édition n'était pas. Mais est-ce qu'on doit reconstruire à chaque fois un nouveau réseau ou est-ce que on va à un moment donné retrouver les mêmes sur son chemin? Je ne sais pas si ma question elle est claire. Oui, elle est à peu près claire. Alors, le réseau, c'est quelque chose déjà qui s'agrandit tout le temps. Il ne faut jamais se reposer sur un réseau. Un réseau, c'est une base. Et en fait, notre métier, c'est de l'élargir. Moi, si tu veux, par rapport à mes expériences précédentes, bon, effectivement, il y avait des choses. Tu vois, mon expérience dans le rap, aujourd'hui, j'ai décidé de quasiment pas faire de rap dans mon édition. Donc, bon. Ça ne me sert pas. Pourquoi, après, c'est peut-être aussi une question intéressante, c'est pourquoi j'ai décidé de ne pas faire de rap. Ben, à la fois parce que je n'avais peut-être pas des goûts faits pour le commerce. Deuxièmement, parce que je connais très bien ce milieu. Et je sais qu'on est avec des artistes qui ne sont pas toujours en pleine maturité et que c'est très compliqué et une perte de temps sur certains points. Et que comme j'étais en création d'entreprise et en début de business, je n'avais pas envie de me rendre la vie trop compliquée. Donc, tu vois, le réseau de la musique de relaxation, bah, en fait, ça m'a fait rencontrer les sonorisateurs de magasins, notamment, donc, avec lesquels je travaille aujourd'hui. Quand j'étais sur tout ce qui était back catalogue, variété internationale, ça m'a fait rencontrer les gens de la musique supervision ou de la synchronisation. Pourquoi ? Ben parce que j'avais des œuvres notoires dans le catalogue qui étaient demandées, donc c'était plus facile. Mais maintenant, en fait, j'avais beau connaître ces personnes-là, c'est pas pour autant qu'avec mon répertoire neuf, je suis intéressant pour eux, quoi. Donc après, il y a quand même un travail derrière, c'est de revenir avec suffisamment d'armes pour dire, ben voilà. Pour un sonorisateur de lieu de magasin, ben, j'ai assez de musique qui correspond à ton truc, je peux t'en fournir régulièrement. Ou un music supervisor, dire ben voilà, mes artistes progressent, leur image de marque devient ci, devient ça. Donc c'est pas parce que tu connais les gens que tu as forcément le matériel qui va avec. Donc tu dois actionner ton réseau à un bon moment aussi. C'est pareil, tu vois, dans parler de l'électro, j'avais aucun réseau en électro il y a 2 ans. Pourquoi ? Parce que je ne faisais pas, je n'y connaissais rien, hein, pour être tout à fait honnête, quoi. Ce n'était pas une musique qui me transportait spécialement. Sauf que bah, j'ai eu des opportunités commerciales, puis j'ai trouvé des talents qui allaient dedans, puis j'ai commencé à apprécier, à aimer des choses. Après, ne pas tout aimer hein, non plus. Je veux dire, je ne suis pas devenu le ponte de l'électro du jour au lendemain, mais j'ai réussi à devenir éditeur d'œuvres que j'aime profondément, donc tout va bien. Et là, ben, je me suis créé des réseaux de labels, d'artistes, etc., qui n'existaient pas il y a 2 ans et qui grossissent tous les jours. Pardon. Me vient une question, donc ça tombe bien. Tu peux faire une petite pause, bois un peu quand même. Sais-tu combien d'éditeurs il y a en France ? Et est-ce qu'il y a beaucoup de concurrence ? Enfin, est-ce qu'il y a suffisamment de travail pour tout le monde ? Alors, pour parler de réseau aussi, Bel et Confrères, en fait, c'est un réseau qui est super utile aussi. Un des déclencheurs de mon arrivée en tant qu'entrepreneur dans ce métier-là, ça a été le fait que je m'investisse corps et âme dans notre cher syndicat qui est la CSDEM. Donc, chambre syndicale de l'édition musicale, dont j'ai été président de commission communication depuis 2017, et puis après donc, je suis devenu administrateur à partir de 2018. C'est un tout petit métier, l'édition. En gros, on doit être entre 300 et 400 salariés permanents. Bon, il y a beaucoup plus de boîtes qui font de l'édition que ça et beaucoup plus de gens qui travaillent sur l'édition. Mais en tout cas, ceux qui dépendent de la convention collective de l'édition musicale, c'est 300-400 personnes. Je crois qu'il y a 5000 comptes SACEM d'éditeurs. Donc, tu dois avoir à peu près 5000 entreprises qui font de l'édition. La concurrence. Qu'est-ce que c'est la concurrence ? En fait, moi, j'ai une vision un peu naïve du truc, si tu veux. Pourquoi ? Parce que... Ah, pardon. J'ai une vision un peu naïve du truc parce que moi je pense que j'ai pas vraiment de concurrence parce que j'ai tendance à penser que les gens qui travaillent avec moi, ils travaillent avec moi parce qu'ils ont envie de travailler avec moi, pas parce que j'ai sorti mon chéquier ou parce que j'ai un réseau faramineux. C'est une décision qu'on a prise en tant qu'adulte. Après, bon, évidemment qu'il y a une compétition quand même sur certaines choses, notamment sur des activités dont on ne parlera pas forcément, qui ne sont pas forcément le sujet d'aujourd'hui, mais qui peuvent être l'aide administrative que je peux apporter à certains confrères en tant que gestionnaire éditorial, ou l'aide administrative que je peux apporter à des éditeurs étrangers en tant que sous-éditeur. Là, il y a peut-être un peu plus de concurrence, parce qu'effectivement, on fait la même chose. Mais en tant qu'éditeur qui travaille avec ses auteurs, moi, j'ai tendance à penser que je pratique mon métier d'une manière différente des autres. Donc, je ne me sens pas en concurrence. Et au contraire, j'adore faire des coécritures avec les auteurs des autres et qu'on soit plusieurs derrière un morceau. Moi, j'ai pas envie d'avoir 100% de tout, en fait. Moi, j'aime avoir plein de petits morceaux de partout parce qu'on a créé des nouvelles histoires, des nouvelles associations de gens et je trouve ça génial, quoi. Je vais parler un petit peu de la période actuelle, donc la pandémie qu'on est en train de vivre. Et pour toi, l'arrêt, est-ce qu'il y a eu un arrêt de ton activité et comment tu as réussi à rebondir, ou peut-être que l'activité a continué, t'as continué à travailler un petit peu comme avant. Est-ce que ça a changé quelque chose pour toi? Alors, changer, ça a forcément changé des choses. Maintenant, alors, pour l'activité, on est quand même dans quelque chose de spécial. Pourquoi ? Déjà, comme je te disais, les éditeurs, leur travail porte beaucoup sur la création. La création, forcément, ne s'est pas arrêtée du tout pendant toutes ces phases de confinement, voire parfois elle s'est intensifiée. Pourquoi ? Parce que y a des auteurs qui ont parfois un travail alimentaire, qui se sont retrouvés chez eux, sans travailler, avec du temps pour créer. Notamment, ça a été le cas de mon équipe électro. Alors eux, ils ont créé comme des malades pendant toutes ces périodes-là. Après, tu vois, il y a des choses aussi qui peuvent être positives, même si humainement, c'est un peu moins cool. Donc moi, j'adore envoyer les auteurs sur des sessions d'écriture, notamment à l'international, parce que c'est une super formation, c'est augmenter leur réseau, c'est avoir des nouvelles opportunités de business, rencontrer d'autres éditeurs qui travaillent avec d'autres auteurs, etc. Forcément, pendant ces interdictions de voyage, c'était plus trop possible. Mais il y a eu des versions en ligne. Donc on a commencé à faire on appelle ça des camps d'écriture, le mot n'est pas beau, des camps d'écriture en ligne. Après, j'ai quelques compositeurs ou auteurs à qui ça ne parle pas du tout, qui n'ont pas envie d'être derrière la froideur d'un écran pour faire ça, et je le respecte tout à fait. Par contre, il y en a d'autres que ça ne gêne pas. Et là, l'avantage, c'est qu'on a fait des sessions d'écriture internationales sans dépenser un euro. C'est-à-dire que d'habitude, moi, quand je les envoie sur une session d'écriture, je leur paye l'avion, je leur paye l'hôtel, je leur paye le repas. Normal, tu vois, je les envoie travailler. Déjà, je ne leur paye pas de salaire, puisque forcément, on n'a pas de relation salariée, comme on le disait. Mais bon, au moins, on les met dans des conditions de travail suffisantes. Donc là, tu vois, ça a été super intéressant. On a fait des camps d'écriture avec Taïwan. Donc moi, j'ai eu mes premiers morceaux en chinois, mandarin, que j'essaye de placer maintenant. On a fait des sessions d'écriture avec l'Afrique du Sud. Donc ça a ouvert des nouvelles possibilités. C'était intéressant. Après, en termes du reste de l'activité, il y a les revenus. Faut savoir que sur des artistes qui sont en développement et qui n'ont pas la chance de passer sur des grandes radios nationales ou sur des grandes télés, la plupart des droits, c'est les concerts. Peut-être les reproductions de disques quand ils sortent des albums, même si les reproductions de disques, c'est de plus en plus marginal, et la sonorisation de magasins qui était fermée. Sauf que en 2020, on a encaissé les droits de 2019. Donc en 2020, moi, j'ai fait une très bonne année. Par contre, là, en janvier, là, je me suis pris moins 85% par rapport à la répartition de janvier 2020. À pondérer avec d'autres choses, hein, parce que j'avais fait un peu une répartition exceptionnelle en 2020 aussi. Mais voilà, donc là, la chute, on commence à la sentir maintenant. Et ça menace un petit peu les investissements qu'on va pouvoir faire sur les projets. Il faut savoir que nous, en fait, c'est assez peu su aussi, et assez peu reconnu, je dirais, c'est que les éditeurs ont un rôle d'investisseur fort. Pourquoi ? Parce que déjà, en fait, à chaque fois qu'on veut qu'une œuvre soit exploitée, il faut qu'elle existe. Donc pour qu'elle existe, en fait, il va falloir financer des moyens de création. Par exemple, un auteur qui me dit « j'ai composé ça, j'ai enregistré sur mon iPhone. » Ah, Bon, ça veut dire qu'il va falloir qu'il aille en studio, qu'il enregistre le truc, ça peut mettre des mois, etc. Qu'est-ce que je fais? Je lui achète un ordinateur. Ou il a besoin d'un micro, je lui achète un micro. Pourquoi? Parce que ça va lui permettre de créer beaucoup plus. Moi, en fait, mon intérêt quand je travaille avec des auteurs, c'est qu'ils soient productifs de manière à ce que j'ai le maximum de matière pour déjà pour enrichir le patrimoine de ma société, parce que c'est encore plus de cordes à mon arc pour répondre aux demandes. Et puis aussi pour avoir plus de chances de réussir avec eux, quoi. Donc voilà, c'est les équiper, ou c'est parfois financer du studio pour... j'ai un artiste belge qui arrive en France. Je n'ai pas envie qu'il aille écrire avec tout le monde, je veux qu'il écrive avec mes auteurs. Donc qu'est-ce que je fais? Je loue un studio. Je ne suis pas producteur des morceaux, mais c'est juste... Je l'enferme dans un endroit où c'est moi qui décide de qui rentre dans la pièce. Donc là, je paye le studio. Après, ça peut être les envoyer à l'étranger, donc je paye les billets d'avion, etc. Et après, c'est aussi financer l'exploitation. Par exemple, je travaille beaucoup avec des artistes qui sont en autoproduction, ils veulent faire un clip. Ils vont investir, mais ils n'ont pas assez, donc ils me demandent une participation. Donc je vais financer ça aussi. Ils ont besoin d'un attaché de presse. Déjà, moi, je fais une partie du boulot d'attaché de presse, entre guillemets. Pourquoi? Parce que y en a plein qui font bien leur boulot, c'est pas la question. Mais par contre, c'est que moi, je suis censé défendre le projet tout le temps. Et en plus, moi, c'est ma vie, quoi. C'est-à-dire que je ne gagnerai de l'argent que si on en génère. Donc, je suis un peu plus pressé d'y aller, quoi. Donc, je fais pas mal de soutien là-dessus. Mais s'il y a un attaché de presse qui est mandaté sur le projet, je vais aider à le payer aussi, quoi. En fait, tu vas à chaque fois aider à la fois à créer et à la fois à exploiter, quoi. C'est pareil là, par exemple, pour Dina, on a eu des retards de tournée, il y avait quelques dates de prévues, on comptait la mettre devant des professionnels, des producteurs de spectacles pour qu'ils disent « Ah ouais, c'est super, on veut travailler avec elle » et puis qu'elle ait une vraie tournée derrière. Manque de bol, elle devait faire le Mama, ça a été annulé, elle devait faire le Printemps de Bourges, ça a été annulé. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai payé un booker pour qu'il travaille sur un début de tournée et pour que ça nous laisse un peu plus de temps et d'oxygène pour après réussir à mettre les professionnels adéquats devant. Donc voilà, c'est des investissements. Et donc du coup, les investissements, là, on ne sait pas trop comment on va pouvoir les faire. Il faut dire aussi qu'il y a les aides envers les éditeurs au niveau de la SACEM et du CNM. Il y a très peu d'aides en fait qui sont à destination des éditeurs. Il y a ces deux-là, le CNM et la SACEM. Elles ont été quand même substantiellement augmentées pour nous encourager à investir pendant cette période difficile. Donc on va pouvoir s'appuyer là-dessus. Moi par exemple, j'ai demandé quasiment aucune aide en 2020. Par contre, j'ai dû investir dans les 30 000 euros en fonds propres. Donc je sais que je vais pouvoir m'appuyer sur ce que j'ai investi en 2020 pour demander des aides sur 2021 et avoir un relais de trésorerie. Donc ça va être pas mal. Mais ça va limiter par exemple ma capacité à faire entrer de nouveaux auteurs dans mon équipe parce que je n'aurai pas planifié d'investissement sur eux et qu'on va être déjà un peu serré. Donc voilà quoi. Donc comment tu te vois là dans 2 ans à peu près? 2 ans, 5 ans, on peut peut-être prendre une tranche. Ouais, parce que 2 ans, en fait, c'est aussi la limite de... On va sortir du Covid pour les éditeurs dans 2 ans. Mon but ultime, moi, c'est d'avoir des auteurs qui vivent de leurs droits d'auteur grâce à mon travail. Et au plus, ils seront nombreux, et dans ce cas, au plus, je vivrai bien. Donc moi, je me vois un petit peu dans la même activité, mais sur des strates supérieures encore, avec... plus de morceaux qui sortent, des artistes qui ont une plus grande diffusion, qui portent les œuvres qui sont dans mon répertoire. Et puis avec un peu plus de staff aussi. Moi, j'adore former les gens, leur faire partager ma passion. On rappelle, tu fais quand même pas mal de salons professionnels en plus. On peut te retrouver dans des ateliers professionnels, sur des salons. Donc, tu as déjà une pédagogie, tu aimes ça. Ça vient probablement de cette histoire d'animer des ateliers d'écriture quand j'étais dans le rap à l'époque. Le partage, c'est quelque chose qui m'est cher. Après, je dois te dire, j'anime aussi des formations parfois. Par contre, animer une journée de formation sur un sujet précis, ça me met une petite pression toujours, même si j'adore le faire, mais il y a toujours une pression de, bah, de réussir à dire tout ce qu'il faut dans les temps, etc. Mais, et oui, après, je trouve que parler de ce métier-là, c'est super important parce qu'il est, il est méconnu et il est pratiqué de plein de manières différentes, donc encore moins lisible. Et voilà, je pense que c'est important aussi que des jeunes acteurs, bon, même si j'ai passé la quarantaine, je suis encore jeune, surtout dans ce métier. Donc que des jeunes acteurs en parlent avec passion, c'est aussi mon rôle en tant qu'administrateur de la chambre syndicale de l'édition. Voilà quoi, c'est, ça se partage, il faut que ça donne envie. Tu vois, c'est pas les gens pendant longtemps ben, ne s'exprimaient pas sur ce métier-là, donc on a pu avoir des légendes de on parlait hors antenne de c'est là qu'est l'argent ou de c'est pas transparent, alors que finalement il n'y a rien de plus transparent qu'un éditeur, puisque vous avez qu'à lire vos feuillets SACEM, vous savez ce qu'il y a du côté de l'éditeur, hein, donc c'est assez transparent. Donc voilà, donc c'est lutter un peu contre tout ça et puis à la fois bah, peut-être susciter des vocations et réussir à avoir ben, plein de collègues pour faire des choses avec eux, continuer les synergies. Quoi. Donc moi, je suis sur un chemin qui me plaît, dans lequel je m'éclate. J'ai des auteurs qui, pour l'instant, sont contents. Après, bon, comme je le dis aussi régulièrement, je suis jeune dans cette entreprise-là, donc c'est plus facile de ne pas avoir des gens mécontents. Peut-être que j'aurai dans quelques années des gens qui diront « j'ai pas réussi ma carrière, c'est la faute de Philippe, quel enfoiré ». On verra bien. Mais voilà, en tout cas, continuer ce chemin-là, continuer à grandir, grandir économiquement, grandir en termes de réputation aussi, et de réputation internationale aussi, puisque moi, l'international, c'est un terrain qui m'éclate. Quoi. On va te souhaiter plein de bonnes choses, mais je pense que tu fais tout pour, donc... donc... On a ce qu'on mérite, quoi. Mais après, bon, il faut s'y consacrer et puis y croire, quoi. Et ça, tu vois, c'est un apprentissage aussi. À chaque fois que tu défends un nouvel auteur et un nouveau projet, c'est que quand t'as des gens en face, tu vois, par exemple, t'as dit ouais, le pitch à la playlist Spotify, etc. Oui, ben d'accord, mais tu leur as dit que tu allais investir combien? Montre-leur que t'y crois, quoi. Si t'es là, tu dis juste, bah, elle est super, ma musique. Ça suffit pas, quoi. C'est qu'à un moment donné, il faut prouver son engagement et donner envie de cette manière-là à ce que les autres se disent bah, en fait, si je le soutiens pas, je vais rater quelque chose et je vais être le con de l'histoire. Mais voilà, il faut y aller, il faut s'y risquer, quoi. Alors justement, ça tombe bien parce que tu vois, je voulais te demander quel conseil tu pouvais donner, pas forcément aux artistes, mais à ceux qui veulent se lancer dans cette activité d'édition. Quel conseil tu peux apporter en quelques mots? Alors, y a une difficulté en fait, c'est de réfléchir son modèle économique. Moi en fait, quand j'ai commencé, j'étais plutôt bien armé dans le sens où j'avais déjà une palette de compétences qui me permettait de ne pas tout faire reposer sur le succès des auteurs que j'accompagne. C'est-à-dire que j'ai cette activité d'édition, j'ai une activité de gestion éditoriale, j'ai une activité de sous-édition et j'ai aussi une activité de prestation de services par rapport à d'autres compétences. Donc j'avais un plan de marche de réussir en 4 ans sur ces 4 activités à générer suffisamment de revenus pour pouvoir grandir en termes de valeur sur mes œuvres dont je suis éditeur et aussi pour générer suffisamment d'argent. Le piège, c'est que quand on se lance dans une société d'édition et qu'on compte s'en sortir un salaire et qu'on part avec 2 auteurs, on a intérêt à ce qu'il soit successful assez vite. Moi, j'avais basé mon aventure sur le fait que ben, s'ils n'étaient pas successful, c'était pas grave, qu'on pourrait quand même faire des choses intéressantes et que j'y survivrais. Donc c'est ça, c'est réfléchir à son modèle économique, c'est oui, il y a une activité d'édition, mais quoi d'autre à côté qui va permettre de faire entrer l'argent. Après, c'est réussir à développer sa vision, mais ça après, ça peut venir au cours du temps. Moi, ma vision de ce métier-là et ma pratique de ce métier-là, elle a bougé un peu au fil du temps. C'est ce que je te disais avec Dina, j'ai appris beaucoup de choses par rapport à mon métier sur cette aventure-là. Pourquoi? Parce qu'avant, quand j'étais dans mes anciennes entreprises, je travaillais avec des trucs où personne n'investissait, c'était juste de la gestion, quoi. Avec Dina, en fait, on est parti d'une page blanche qui d'ailleurs est le nom de du premier single qui est de son EP. Mais on est vraiment parti d'une page blanche, c'est-à-dire qu'il y avait des choses à financer et qu'à un moment donné, vu qu'il n'y avait pas encore de label et qu'on avait décidé que ce n'était pas une autoproduction, parce que c'est bon, quoi, l'autoproduction, on l'avait donnée, bah, chaque fois qu'il y avait une dépense à faire, elle se retournait vers moi. Quoi. Et puis oui, il fallait que je remplisse le truc et que je trouve l'idée d'après et que je trouve les partenaires. Voilà, donc ça c'était vraiment un apprentissage. Donc ça peut bouger, c'est pareil, tu vois, toutes ces histoires de song plugin, c'est aller placer des chansons auprès d'artistes qui sont plutôt interprètes que auteurs-compositeurs, ou alors qui sont que partiellement auteurs-compositeurs. Ça m'est venu en cours de route parce que j'ai eu des opportunités de camp d'écriture et que j'ai dit, bah, tiens, qui c'est qui pourrait faire ça, et puis qu'après j'ai voulu y former tous mes auteurs. De manière à ce qu'ils soient performants là-dedans. Donc voilà, penser le modèle économique, avoir quand même une vision de comment je vais développer ça, parce qu'il faut que ça reste réaliste quand même. Et après, c'est réussir à gérer l'humain. Et gérer l'humain, c'est-à-dire, c'est quelle capacité j'ai à traiter du volume. Quoi. C'est, il faut que tu t'arrêtes en fait à partir du moment où tu vas perdre ta spécificité, parce que tu vas te diluer et tu vas plus réussir à apporter la qualité de service et la qualité d'accompagnement que tu veux. Donc c'est se poser ces questions-là en permanence. Et bah après, il faut pas avoir peur. Moi, j'ai appris, tu vois, ça a été une très belle découverte d'ailleurs, qu'il n'y a pas de plafond de verre dans la musique. On a toujours tendance à penser quand on est petit, quand on est en développement, que bah ouais, les autres réussissent, mais c'est parce qu'ils connaissent un tel ou un tel, et que c'est pas pour un homme. Mais c'est vrai, il y a une victimisation des artistes, les premiers, parfois des entrepreneurs dans la musique aussi. Moi, j'ai pu voir en fait que toutes les portes étaient ouvertes à partir du moment où tu essayes d'apporter quelque chose aux gens, de la compétence, de la simplicité, et puis que tu as la modestie en fait de ne savoir que ce que tu sais et de vouloir apprendre, quoi. Mais c'est, voilà, tu vois, c'est, je discute avec des gros, avec des petits, et je ne me suis jamais senti bloqué par « je ne suis pas le fils de quelqu'un » ou c'est, voilà, c'est pas grave. En fait, c'est pas grave, on arrive à des trucs super si on y croit et qu'on se donne les moyens. Donc voilà, donc il leur faut du courage et de la patience, parce que voilà, générer des droits, c'est long. Parfois, ben, on met 2 ans avant de faire sortir une chanson. Puis une fois qu'elle est sortie, on met 1 an avant de récolter les premiers droits. Donc, soyez pas trop pressés, quoi. Très bien. Est-ce qu'on va arriver au bout de cette émission ? Est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais évoquer ? Je te laisse le champ libre. Ou pas, hein ? Bah, c'est peut-être un petit mot pour les artistes ou les auteurs qui vont chercher un éditeur. C'est voilà, mettez-vous en tête que c'est des humains et qu'ils ont besoin en fait que vous leur apportiez ça quand vous allez les contacter. C'est-à-dire, moi, je déteste le coup j'ai un album qui sort la semaine prochaine, on a besoin d'un éditeur, quoi. Où on a décidé de rien, de la stratégie, où en fait il y a des trucs qui sont bancals dans les morceaux, mais c'est trop tard pour le dire. Voilà, c'est en fait réfléchissez à pourquoi vous voulez un éditeur, qu'est-ce que vous attendez de lui, et puis après prenez le temps de le connaître en fait, et qu'il prenne le temps de vous connaître. Donc voilà, vous avez affaire à des humains qui sont surchargés. On doit dire qu'il y a beaucoup de volume de travail. Mais qui, quand ils entendent du talent, en fait, ça leur fait quitter toutes leurs occupations pour se dire on y va, quoi. Donc, si vous avez confiance en votre musique et que vous envoyez les 2 morceaux qu'il faut, il se passera ce qui se passera. Et s'il se passe rien pour l'instant, c'est que c'est pas le moment. Donc, ça sert à rien non plus de revenir comme une balle tout le temps. Prenez le temps, comme il prendra après pour récupérer les investissements qu'il aura consentis sur les droits à venir. Voilà. Donc un contact plutôt intelligent, on va dire, et on arrête d'harceler, comme on a tendance à se dire, que les artistes ou des fois d'autres professionnels harcèlent en fait sous forme de mail, tu vois. Ouais, mais ça, on l'a tous pratiqué, hein, non, je pense. Non, mais après, hein. C'est une déformation. Même les professionnels, en fait, tu vois, c'est un apprentissage qui est intéressant. C'est que, tu vois, au début, quand tu fais tes premiers festivals et conventions, etc., tu rencontres quelqu'un, tu veux partir de là avec une réponse, un business et tout. Non, en fait, on est là pour apprendre à se connaître, quoi. En fait, la meilleure manière de vendre des choses, parfois, c'est de rien vendre. Voilà, c'est soyez vous-même. En fait, rendez-vous intéressant humainement, quand vous avez la chance, par mail c'est difficile, hein, on est d'accord, mais quand vous avez la chance de rencontrer des gens, soyez vous-même, soyez sympa, etc. Et puis après, effectivement, on prêtera une oreille plus attentive, quoi. On a du mal à dire non, je ne vais pas écouter à quelqu'un qu'on a trouvé super sympa et avec qui on a passé un bon moment, quoi. Voilà, il faut être intelligent dans l'approche. Eh bien, écoutez, on va se quitter avec John Linhart. Tu as choisi Wide Awake. Pourquoi tu as choisi ça? Enfin, tu nous as expliqué un petit peu déjà, parce que tu connais, ouais. Parce que ça fait partie de ton équipe, tu disais tout à l'heure. Alors, donc, John, c'est aussi un album qui va sortir fin mai, début juin. On attend encore quelques semaines pour fixer une date exactement. Mais voilà, parce que c'est une histoire intéressante, en fait, dans mon histoire d'éditeur. Comme tu disais, c'était la relation qui s'est construite le plus rapidement. Et puis qui m'a ouvert aussi vers d'autres genres musicaux, etc., quoi. Et donc, Wide Awake, c'est le deuxième single de cet album, qui est déjà sorti au moment où on est en train d'enregistrer. Voilà, et puis qui est cool et qui a été fait avec donc 716, qui est un artiste lyonnais qui a la prod, et avec un auteur qui est anglais. Voilà, donc ça s'est fait dans un camp d'écriture à l'international aussi. On a hâte d'écouter. Donc, je vais vous souhaiter à tous bon retour, hein, pour ceux qui sont sur la route et qui nous écoutent. Merci à toi d'avoir accepté mon invitation, Philippe, et nous avoir éclairé sur cette activité un petit peu moins obscure à présent. Merci. Ouais. Et puis, nous avoir parlé de ton histoire, hein, voilà, puisque c'est toujours le concept de l'émission. Donc, il y a quelque chose d'autre que tu voudrais évoquer ou on se quitte à présent? Je pourrais parler encore des heures, mais je crois qu'on en a déjà dit pas mal. Et puis, bah, je voulais te remercier pour cette invitation. Et puis, merci à tous les auditeurs, en espérant qu'effectivement, on a réussi à un peu dépoussiérer ceux qui pensaient du métier. Et puis, qu'ils auront envie de fouiller encore. N'hésitez pas à venir suivre les réseaux sociaux de Musigami pour découvrir les auteurs et les artistes avec qui on a la chance de travailler, et puis peut-être de la musique qui peut vous plaire, donc en plus des trois que vous avez découverts ce soir. Voilà, donc merci pour votre écoute. On va juste rappeler ton site, c'est Musigami, Musigami, donc ça c'est ton site. T'as d'autres réseaux ou c'est essentiellement celui-ci? Alors, le site est un peu défraîchi, je dois dire, j'ai honte, j'ai pas eu le temps de beaucoup m'en occuper. Je communique essentiellement sur Facebook et sur Instagram, et c'est avec Musigami, sur LinkedIn aussi pour ceux qui sont dans des sphères plus professionnelles. Mais voilà, c'est les trois réseaux où il y a le plus de choses qui viennent régulièrement. Très bien, c'est noté. Donc, bon retour à tous, et puis au revoir Philippe, et merci encore. Eh bien, merci beaucoup, salut. Au revoir. Is this a fantasy of mine? 'Cause I've been hoping you'd remember my name after 5 years of playing. Letting me go like a worry, fading me out so I'll be the one on my own, wishing you'd come back home. I can wait if you take some time to find your escape. Love me the same. I can wait if you need some time to love me again. When you're dreaming, I'll be wide awake. days I was over sentimental. Nights I was staring, hating all the cracks in my plan, with the scars on my hands. Making a way from the back wall. Maybe it's better, better if we don't understand. Cause I don't need a reason to hate you. It's bad for my heart, but I love you. And I've been here from the start, so I can wait. If you take some time to find your escape.